Et bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue sur ce petit live jeu de rôle pour ce soir du Dungeon World. Et je serai donc accompagné avec l'ensemble de la fine équipe. Et en plus, une petite nouvelle. L'arrivée d'une petite nouvelle qui va donc nous suivre pour ces parties jusqu'à que le groupe explose en vol, j'ai l'impression, hein, vu le niveau. Ouais, t'as 2 heures, quoi. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à que mort s'en suive. Donc, ça a l'air d'être good, je suis en train de vérifier tout ça, on est bon. Vous pouvez parler vite fait sur le Discord, juste vérifier, je regarde si tout le monde ouais, ça... Moi je refuse aussi. Ok, tu refuses, c'est très bien. Tu es neutre, c'est bon. Ouais. Ok, bon, bah le son est bon, on est bon, tout ça c'est good, on va pouvoir y aller. Donc s'il y a des gens sur le live, n'hésitez pas à remonter, s'il y a des petits soucis, on regardera ça. Donc... Dans l'épisode précédent, nous avions terminé au moment où vous échappiez, vous étiez en train de vous échapper de la prison, d'une prison qui est apparemment détenu par ce que vous pensez être les nincromans, du fait des différentes squelettes morts-vivants que vous avez pu croiser et quelques nains encapuchonnés. Donc voilà, vous pensez que c'est donc l'école de nincromans qui vous détient. Et vous avez fait le choix donc de vous libérer de force. Délivrer. J'allais dire, mais je n'ai pas osé. Et ben voilà, vous voilà délivrés, mesdames et messieurs. En tout cas, surtout messieurs, pour le moment. Parce qu'on reprend avec vous. En train, alors, ce résumé n'était pas très bon. Nous voilà délivrés grâce à la compétence de Heinrich Fuchscroft, quand même, hein, s'il vous plaît. C'est moi qui a sauvé tout le monde. Non, mais c'est moi qui voilà. Hein, n'est-ce pas? Non. Oui, ouais, non. Ah, je suis sûr que vous êtes d'accord. Non. Donc... Pour le coup, vous sortez, vous arrivez dans ce couloir où est en train de, vous voyez, se fermer tout au fond une porte qui devait être en fait le fameux nincromant que vous aviez touché, que vous aviez donc blessé. Oui. Et devant tout ça, des ce qui semble être des gardes squelettiques qui semblent essayer d'aller vers vous. Bah, pas complètement en fait. Ils restent un peu rentrés. Et tu voyais qu'ils essayent de bloquer en fait le passage. Voilà. Vous remarquez qu'en face de vous, donc il y avait une prison vide, mais qui a d'autres prisons un peu plus loin, voilà, d'autres lieux. Et de ton côté, donc c'est Célène. Tu as entendu en fait tout le remue-ménage dans une pièce à côté. Tu as vu ce fameux nain se barrer. Qu'est-ce qu'il a fait, Lévi? Je sais pas, il a fait... Merci, désolé, j'ai mixé. Comme d'hab. Donc voilà, Célène, tu as vu ce nain blessé passer devant ta cellule. Voilà. Donc, okay. Je vous laisse gérer la situation. Juste pour être 100% clair, du coup, là, on est, on n'a plus les chaînes sur nous, là, c'est bon, on est 100% libre de nos faits et gestes. Bah, c'est la personne qui a la clé, est-ce qu'il vous a complètement libéré ou pas ? Bah oui, bien sûr, attends, c'est moi le héros de l'histoire, bien sûr que je les libère. Putain, mais c'est tellement pas crédible quand tu dis ça. Non mais tu dis ça parce que t'es jaloux, c'est toi. Mais ouais, j'ai fait des jets de dés de merde. J'ai fait des jets de dés de merde et j'ai eu deux, ouais. Et ben, moi, une fois libéré, je vais juste acquiescer d'un signe de tête envers Heinrich, pardon, et simplement m'engager dans le couloir par où est parti le nain pour le poursuivre, tout simplement. Bah, tu vois que tu seras clairement bloqué par les la montée la marée de squelettes de squelettes qui est devant. Clairement, même pour toi, tu dis que c'est peut-être pas une si bonne idée. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sorties? Bah, derrière, de l'autre côté, vous voyez que bah, qu'il y a sûrement ce qui semble être une des escaliers qui sont en train de descendre, en fait. Mais vous savez pas trop pour vers quoi, vers où. Bon, bah dans ce cas, je vais m'engager dans ce sens-là. Et moi, je le suis en boitant, parce que j'ai mal à la jambe. Ouais, moi, je vais plutôt, je sais pas, essayer de repérer s'il n'y a pas genre un endroit où ils stockeraient les affaires des débuts. Ouais, le stuff, ouais. Ah, c'est pas complètement idiot. Nudge, fouet. Ce n'est pas complètement idiot. Je vais te suivre. Bah, pour le coup, il y a une petite alcôve en fait qui est un peu plus loin. Tu penses qu'il y a peut-être des choses qui se trouvent là-bas, du côté du truc en descente. Je vais me diriger vers l'alcôve du coup pour voir ce qu'il en est. Ok. Bah à ce moment-là, en fait, vous remarquez que là, vous passez devant une autre prison, et vous remarquez une personne attachée, une femme. Une vraie créature J par le J. Elle ressemble à quoi la personne attachée ? Bah, Célène se présente. Bonjour. Vous pouvez me détacher, s'il vous plaît ? Alors. Déjà, tu ressembles à quoi ? Parce que ça va grandement influencer ma décision. Alors déjà, Célène est petite, blonde, et le temps qu'elle est là, je pense qu'elle est très maigre. Elle est petite comment ? Petite taille petite, humaine ou petite taille... Taille humaine, mais plus petite humaine, quoi. D'accord. Taille, ça se porte petite sous humaine. Le bras, hein. Si tu veux que je te donne une taille, je te dirais 1m60. D'accord. Et elle a l'air d'avoir quel âge du coup ? Il y a Choupin dans l'autre pièce qui dit une naine et je suis pas d'accord. C'est 1m60 hein. Les nains sont plus 50 hein. Sauf que les nains c'est un truc très particulier dans l'univers qu'on a ici, donc voilà, il faut savoir. Voilà. Les nains, c'est nous, qu'est-ce qu'on les a fait ? Ouais. Donc maintenant les nains ils font 1m60. On va dire que je suis très grande pour une naine, donc je suis humaine. Non, je continue à le dire, c'est une humaine. Petite. On est habillée comment tu as quelle posture comment, est-ce que tu as un côté un peu fier ou... Voilà, comment t'es physiquement un peu frêle. Frêle et un petit peu timide, tu as l'impression que... Ouais, qu'elle sait pas trop ce qu'elle fait là. Ça tombe bien, nous non plus. Du coup, tu vois le personnage de Heinrich Fuchscroft passer à côté de ta cellule, puis t'entends genre un bruit de freinage, je reviens, mais genre en marche arrière et en regardant genre, oui, bonjour, mademoiselle, hey, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, je me présente, Heinrich Fuchscroft à votre secours. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas le moment de traquer ! Avance ! Ah, mais avance, toi, c'est bon. Ne faites pas attention à mon compagnon un peu stupide, je vais vous sauver. Et, je passe à côté de lui, je lui mets une claque derrière la tête. Ouais. Et en fait, ouais, je vois que j'ai dit un truc que je fallait qu'on fasse, qu'on n'a pas absolument pas fait, c'est les liens. Oui, mais, les liens. Okay. Oui, non, mais... Donc fais Lévi, enfin Arbiter, tu dis-moi ce que tu fais et après. C'est tout simplement moi, je pense que bah, j'avance et quand je passe devant la cage, je pointe simplement la porte du doigt en mode ouvrez ça, mais sans rien dire et je continue. Non, mais moi je suis déjà en train de l'ouvrir. Mec, tu sers à rien. En fait. C'est pas moi qui ai la clé. Le personnage le plus inutile que j'ai jamais vu dans cette scène. Ok. Et donc on va faire les liens. Parce que j'ai complètement zappé ce truc, je voulais le faire au départ, mais bon, bien sûr. Hein. Je le dis en plus. Hein. Je dis il faut qu'on fasse les liens. C'est ça. Et on a absolument pas fait le truc. Parce qu'on avait créé ton personnage. Il y a deux semaines. Voilà, il y a deux semaines. Et qui a un spirit en fait, voilà, on va pas le cacher aux gens qui nous écoutent, mais ouais. Il nous reste en fait les derniers trucs à faire, c'est-à-dire les liens que bah, que tu pourrais ou que tu as avec que tu peux avoir avec les ouais. avec les joueurs. La seule proposition dont je me souviens, c'est qu'il y en ait un dans le tas qui aurait connu mon esprit. Alors, pour le coup, en fait, ouais, les liens qui sont proposés, en fait, il y a, par exemple, X est capable de voir les esprits et il est craint. Mon esprit connaissait l'un des ancêtres de X. X tirerait avantage de la sagesse des esprits. Et X est jaloux que les esprits m'aient choisi. Donc voilà, ça va être... à voir entre vous si vous souhaitez avoir des liens, quels sont les liens que vous souhaitez avoir entre vous. Moi niveau lien, j'aurais éventuellement un truc à proposer, mais pas parmi les trucs de par défaut de la création perso. Moi je pense que ça serait peut-être légèrement différent de celui qui a écrit. Sur la création de perso. Alors moi, déjà pour le moment c'est différent. Moi c'est complètement autre chose. Ouais. Bah moi pour je me disais le. Ouais pardon vas-y. Pour le moment on va peut-être laisser Célène choisir en fait. Oui bien sûr. Bah oui. Bah moi j'écoute vos propositions. Est-ce que tu as déjà travaillé pour les teutons flanqueurs? Pardon. Moi, ce que j'ai à te proposer, c'est toi, t'as un lien envers moi avec Heinrich Fuchskoft. Il arrête pas de m'emmerder, ce mec, il arrête pas de me draguer. Voilà. Ça va bien commencer, je pense. Parce que c'est ce qui va se passer de toute façon, donc autant avoir un lien. Ouais. Non, mais ça, pour un peu la rigueur, on peut le déclencher en fin de séance, ça, ce lien. Aussi. Une fois que tu auras commencé à connaître le spécimen. Tout à fait. Moi, celui que j'avais en idée, c'était une variante de mon esprit connaît l'un des ancêtres de X. Moi, c'était mon esprit connaît X, c'est-à-dire qu'il m'a déjà rencontré. Et en fait, c'est... Alors, ouais. Non, je le prendrai non. pas trop, parce non. que j'aime bien le principe de l'ancêtre, en fait. D'accord. Pour le coup, parce que ça, par rapport au fait, à l'univers qu'on a créé, le fait des ancêtres peut être super intéressant. Ouais, les okay. esprits, tout ça. Snorri ! Oui. Après, voir, hein, bien entendu. Hein, mais moi, je trouve un truc intéressant de garder ce principe. Il faudra que je me trouve un lignage, alors, si on fait ça. Parce que je veux bien qu'elle connaisse un de mes ancêtres ou que son esprit ait connu un de mes ancêtres, mais il faut que je trouve un lignage. Alors, si ça peut aider, le gros défaut de mon esprit, c'est l'arrogance. Enfin, un défaut, l'arrogance. Je suis en train de me dire qu'on n'était pas dans la merde, mais... je sèche. honnêtement. Bah, le 1 et le 3 pourraient s'appliquer à moi, je pense. Après... Ouais, c'est ça. Je pense que le 1 et le 3 pourraient s'appliquer. À toi de voir si tu penses que ça pourrait le faire. Attends, faudrait que je me revoie. C'est quoi encore le 1 et le 3 Le 1, c'est X est capable de voir les esprits et il les craint. Le bien, il est bien. Et le 1, 3, c'est X tirerait avantage de la sagesse des esprits. Le 1, définitivement. Parce que sagesse, ça va coller pas du tout avec ton perso, Lévi. Ça colle avec aucun de nous. Justement, ils tireraient avantage de l'avoir. Ils ne l'ont pas. Justement, c'est pour ça que je pensais au 3. Mais oui, le 1 est... Moi, après, si t'as déjà bossé avec les teutons flingueurs, on peut faire quelque chose. Hein. Bah, comme je me souviens plus très bien ce que c'est, je dirais non. La confrérie qu'il a inventée de toutes pièces. C'est ouais, ça. La création de son perso, donc voilà. Pour l'instant, c'est pas grand-chose, du coup. En fait, c'est un groupe de potes qui se réunissent tous les dimanches pour boire des coups et essayer de tuer un truc au passage, mais... Non, pour le coup, c'est une vraie confrérie de chasse d'exécuteurs. Pas que d'exécuteurs, mais bon, voilà, c'est une confrérie qui loue ses services contre... des actions délibérées contre d'autres spécimens vivants à deux pattes, ou trois. Bah, ça pourrait coller avec mon esprit, du coup. Et attention, parce qu'il y a le bon exécuteur et il y a le mauvais exécuteur. Ouais, ouais, ouais. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore dans quelle catégorie je suis. moi, mais bon, c'est pas qu'une confrérie d'exécuteurs, voilà. C'est... En gros, on peut dire que c'est une confrérie de chasseurs de monstres, quoi. Bah déjà, paf, on va déjà noter la première. Alors non, hop, j'ai un truc. Donc Célène. Donc dans les liens, t'as mis le truc, t'as mis arbitreur, vois mon esprit et le crin. Mm-hmm. Ok. Donc on va. Le crin de cheval. Son esprit et le crin. Attends, c'est pas tout le monde de voir le crin. Donc on le met de côté. Donc il faut au moins un deuxième, comme je disais. Donc bah, comme je disais, mon esprit là, il aurait pu faire partie justement de la confrérie là. Bah, ça peut être mon esprit connaissait l'un des ancêtres de X. Mmh. Et que oui, X peut être. Voilà, du coup, comme ça, t'as les teutons flingueurs comme ça, et voilà. Ouais. Ça peut être un. Voilà. Ouais, je fais partie d'une grande lignée d'exécuteurs de teutons flingueurs. Est-ce que ça veut dire que son esprit, il a un accent allemand à deux balles? Non. je me prends pas ça. Ouais, ça va, tu me sauves un petit peu la mise quand même parce que. Sinon, il était obligé de faire l'esprit aussi et c'était chiant. Oh mon dieu. Ouais. Alors, déjà, question cross-ping, vous êtes pas dans la merde? Bah oui, s'il y a pas de ping, on est dans la merde. C'est ça. Est-ce bon pour le vénérable MJ? Bah si t'as mis les trucs, c'est bon, donc voilà. Ok. Ok. Donc en fait, bah au moment où t'ouvres la porte, Heinrich, Céline, t'as peut-être ton esprit qui fera peut-être un peu apparition, qui se manifestera peut-être un peu. Oui, ça va être plaisant. Ça arrivera au moment où, juste avant que l'arbitreur ne parte, parce que l'arbitreur va voir cet élément. Et donc. Et presser le pas Voilà, tu t'auras eu la vision de la chose et ben ton esprit, bien entendu, te parlera, Célène. Mm-hmm. Puis te dira clairement que oui, il a l'impression de connaître un des hommes ici présents. Et c'est là qu'on se rend compte que le spirit, c'est l'esprit d'une des bestioles qui a été tuée par le père de Klaus. Tintin. Mayo mon crayon. Mayo mon crayon, faut que j'entre l'idée. Et la dose de drama vient de monter de 445%. Donc voilà, vous êtes... Je te laisse gérer la chose, Célène, de savoir à quoi il ressemble. À quoi l'esprit voilà pourrait ressembler, à quoi l'esprit pourrait qu'est-ce qu'il pourrait te dire. Voilà, tu es libre de voilà. La seule contrainte. Genre c'est visible par tout le monde ou comment ça se passe? D'après les liens qu'on a écrits, c'est arbitraire qui pourrait le voir. Arbiteur, c'est comme ça qu'on dit ? Arbiteur. Okay. Ou l'autre. Juste pour lui, comme ça il voit à peu près à quoi ça ressemble, c'est une sorte de grande dame à la Grinch, mais aux cheveux blancs et aux yeux rouges. Oh. Genre que si tu la vois, tu te dis, eh oui, il me faut un nouveau caleçon. je si vois tu portes des caleçons. En fait, il porte que son armure et pas grand chose d'autre en fait. Oui, ouais, il a un caleçon, quoi. C'est ça, c'est pour être précis, il ne peut porter que son armure en fait. On ne sait même pas s'il a des fonctions métaboliques en fait, vu que c'est plus ou moins une armure qui se balade. Visiblement, il y a quelque chose dedans, mais on sait pas trop. D'ailleurs, ça a l'intelligence d'une armure qui se balade aussi. Bon, donc ouais, est-ce qu'elle te dit quelque chose, donc cet esprit, est-ce que ton esprit te parle, il te dit quoi? Bah elle se marre parce qu'elle s'est rendue compte qu'on l'a vue. Donc ça l'a fait bien rire. Bah en fait, mes amis, vous entendez qui avez ouvert la porte et qui commençait à peut-être sauver la demoiselle, vous entendez les différents claquements d'os avancés vers vous et un rire assez inhumain voire peut-être un peu diabolique, vous savez pas trop, mais voilà, en tout cas vous prenez ce rire d'une mauvaise façon parcourir l'ensemble de façon via les échos en plus de ce lieu. Je tends la main vers Célène. Qui est attaché? Viens avec moi si tu veux vivre. Ah oui, mais je veux bien, mais il faut me détacher avant. If you wanna live. Oui, bah, du coup, tout en détachant, machin, tu vois, viens avec moi si tu veux vivre. Et puis, avec un beau sourire Colgate, tu vois, et le petit ch'tin, tu vois, de la dent qui brille et tout. Bah, du coup, sans vraiment comprendre le schling, je prends la main et je suis. Parfait. On va aller dans la direction d'où viennent pas les bruits. C'est ça. Moi, je suis parti dans la cache où se dirigeait l'autre dragueur invétéré, qui s'est arrêté, hein, parce qu'il a considéré que c'était plus important de draguer une gonzesse en état d'urgence que d'aller récupérer son stuff. Bah oui, non, mais parce que moi, j'ai un sens des priorités contrairement à toi. Oui, voilà, c'est ça. Bah, pour le coup, sur le truc, tu vois que, ouais, il y a l'air d'y avoir votre équipement, les d'autres... Enfin, en fait, tout est un peu en mode, un peu en vrac. Vous voyez que les squelettes, en fait, s'en foutaient un peu. En fait, ils ont tout mis un peu en... On va dire que je te mets ça là parce que je sais pas où mettre ça autrement quoi. Donc tout est un peu en vrac, tout est un peu en bordel dans tous les sens, voilà. Faut que je trouve un nom à mon épée. Trucidator. Non, mais un nom de un nom féminin, genre un nom féminin allemand, toi, histoire de pousser le. Santa. Pour Santa Claus. Sinon, Gertrude. Mais oui. Ah, j'y pensais, ouais, mais je sais pas, ça fait trop. Là, c'est trop cliché pour le coup, là. C'est... Brunhilde. Brunhilde, voilà, c'est pas mal ça. Oui, parce que c'est pas cliché du tout. Non, non, mais c'est mieux que Gertrude. C'est, ouais, déjà, c'est moi. C'est plus. Enfin, c'est moins. Ouais. Et puis du coup, toi, t'es Siegfried, c'est ça. Ah non, non, c'est. Ah non, c'est Klaus. Voilà. C'est... c'est quand même plus classe Brunhilde que Gertrude. Ouais. Moi, je vais m'approcher de la cache et je vais juste simplement saisir la sacoche, je suppose, qui contient mon matériel d'aventurier et une petite fiole et les remettre dans et la mettre à ma ceinture avant de mettre sur le côté du couloir en attendant que les autres puissent passer devant, en fait. Moi, ah, Brunhilde, ma chère. Donc je récupère mon stuff, je remets Brunhilde dans mon dos et je repars à l'aventure. Ouais, bah moi quand j'arrive, du coup, je vais récupérer, bah pareil, tu vois, genre ma veste, ma sacoche, mon fouet, et puis tu vois, je trouve pas mon chapeau tout de suite, je suis là, genre, mais il est où? Ah merde, mais, ah, qu'est-ce qu'il... Non mais... C'est ah, pas il est là, c'est bon. Si, c'était juste en dessous de mon bâton. Oh bah, je l'ai ah, voilà. Et puis je prends bien quand même, tu vois, 10 secondes pour mettre le chapeau et bien l'ajuster, tu vois. Parce qu'il faut qu'il soit de travers, mais pas trop de travers, tu vois, histoire d'être beau gosse. Faut qu'il y ait un angle de 72,56 degrés très précisément. Oui, alors non, je suis pas un nerd non plus. Hein. Le style est très important. Voilà. Ouais, l'angle du chapeau est important parce qu'il faut que la lumière puisse atteindre ses dents pour faire l'étincelant, sinon s'il le met trop bas, ça marche plus. Sinon, tout mon sourire crée au ballon. Bah, dépêche-toi avec ton chapeau, on a autre chose à faire. Tu le mettras quand on sera dehors. Du coup, moi, après avoir retrouvé mon bâton, je reprends ma sacoche et c'est parti. Voilà, moi je laisse passer tout le monde dans le couloir avant de fermer la marche. Ah ben, moi, je peux pas prier deux fois si tu veux rester derrière. Mmh. Hein. Y a pas de souci, vas-y. C'est bon. On honorera ton sacrifice. Je vais ouvrir la marche. Vous remarquez qu'en fait que les ennemis en fait n'ont pas tenté non plus que ça de vous rusher, hein, enfin de vous se lancer contre vous. Vous comprenez en fait qu'ils sont plus en mode essayer de bloquer le passage et d'avancer doucement, tu sais, pour mettre un peu la pression, mais vous comprenez clairement que leur but principal, c'est d'éviter d'aller passer la porte de l'autre côté où est parti l'autre nécromant, quoi. Ouais. Ok. Donc vous les entendez de temps en temps, voilà, avancer, voilà, comme je dis, dans le cliquetis des ossements qui, genre, quand ils font un pas, deux pas, voilà, hop, qui se. Vous voyez qu'il est arrivé devant en fait tout un régiment avec des boucliers en fait qui mettent leurs boucliers devant pour essayer d'éviter que vous foncez dans le tas. Voilà, ils sont vraiment en mode, ils vous mettent la pression, ils s'en foutent que vous passez de l'autre côté, mais apparemment passer par l'endroit où est passé le nacrement, ils ont commandé de ne pas le laisser. Voilà. Ok. Bah moi je suis le mouvement, donc Donc vous descendez les escaliers. Vous voyez que là, comme je dis, vous avez expliqué que vous étiez dans des prisons qui étaient plutôt propres, plutôt bien entretenues. En descendant, vous voyez que l'entretien est plutôt pas mal. Au départ, vous avez vraiment en plus régulièrement des torches qui sont présentes, allumées. Donc vous descendez et au fur et à mesure en fait que ça prend du temps et c'est de plus en plus en fait. Vous voyez que au bout d'un moment c'est un peu moins propre. Quand vous avez des petits paliers en fait qui amènent peut-être des fois sur une grande salle qui est généralement des fois des grandes salles de rangement. Si vous faites le tour en fait, vous comprenez que c'est un lieu où il y a des rangements et tout comme ça. Vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des pupitres, d'autres où il y a, vous semblez y avoir des chaînes, des restes de chaînes ou de trucs comme, enfin voilà, qui doivent être utilisés pour emprisonner les personnes qui chopent. Enfin voilà, il y a toujours des petites voilà des dans les paliers un peu voilà, mais jamais de grands couloirs comme du lieu où vous êtes parti quoi. Je vais profiter pour prendre une des torches qu'il y a sur les murs, au cas où. En descendant. Moi, je vais en profiter pour faire un exposé sur les décorations architecturales. Je vais en profiter pour ignorer. Oui, non, mais vous voyez, ça date de la 3e dynastie du grand empereur de Nia, blablabla. Voilà. Ya, c'est très intéressant. Est-ce que ça peut nous aider à trouver la sortie ? Eh bien, oui, bien sûr, ça peut nous aider à trouver la sortie, parce que vous savez, les empereurs se faisaient toujours construire des tombes tout à fait grandes et remplies de pièges et blablabla. Bref, du coup, ça me donne quoi ? En fait, oui, bon, bah, tu sors beaucoup de trucs, hein, et entre autres, beaucoup de bullshit, hein, on va pas s'en cacher, hein. Faut pas oublier que je suis que quand même vrai. Archéologue, hein, donc... Voilà, je veux dire, mais dans le sens où, oui, tu te dis, bah, ça va donner une sortie, tout ça, bah, oui... Tu t'y crois réellement à ça, parce que tu sais que qu'il y a des choses en bas suite au, comme tu disais, au empereur là, tout ça, mais c'est pas des tombes comme tu expliquais. Tu le sais très bien que ça sera en fait plutôt les canaux d'évacuation des eaux usées quoi. Donc mais bon. Oui, mais ça je leur dis pas. Voilà, c'est énorme, mais on est d'accord que tu sais que oui, ça va. Tu vas trouver sûrement une sortie, mais ça va arriver de voilà sûrement dans ces égouts. Dans le doute, faut se fier son odorat quoi. C'est pour ça que comme j'expliquais, c'est que voilà, plus vous descendez, bah plus vous voyez que c'est plus ou moins propre. Voilà, ça commence un peu à ne plus être le truc ultra clean que vous aviez en haut quoi. Ma prédiction, chauve-souris, araignée, rat géant. Dans cet ordre? Pas forcément. Donc bah à force de faire ton exposé en fait, bah vous arrivez devant une porte, voilà, en bas de cet escalier. Première porte que vous croisez, et... Que faites-vous ? Ah ! Enfin une porte ! Je le défonce. Alors déjà, s'il veut... Non ! Non ! C'est un objet inestimable, cette porte ! Attends, les décorations, regarde les gravures ici ! Non, Ya, très joli ! Et je mets un gros coup de pied dedans. Regarde, moi j'ai créé un pont, ça m'a pris quoi ? Deux secondes. Alors, au moment où il veut mettre son coup de pied, moi je prends mon fouet pour attraper son pied pour pas qu'il puisse mettre son coup de pied. Et pour le faire tomber. Du coup, on fait quoi, MJ ? Il fera juste le jet de... Le jet en conséquence. Moi, je dis que si a bien fonctionné, mon esprit se marre encore de plus belle. Je dirais qu'il fait un 10, quoi. Voilà, donc je peux choisir deux des options dans la liste ci-dessous. Alors, vous lui attrapez un membre, il ne peut plus l'utiliser, oui. ça, c'est pas mal. Après là le but c'est surtout voilà je pense l'embêter et le faire tomber. Bah, je lui attrape la jambe, je l'immobilise puis je le déséquilibre pour qu'il tombe. Et là mon esprit se marre mais de plus belle. Attention, je vais utiliser mes grandes capacités de chevalier pour ouvrir la porte. Et ouais. Mais moi je peste, je t'insulte avec des mots que je ne connais pas hein, évidemment. Donc ouais, donc bon non. Bah voilà tu. Tu as notre Klaus qui tombe, voilà, tu, Heinrich, tu as fait ton move. Célène, tu es en train de voir en fait les deux gars sûrement en train de s'engueuler. Tu te poses peut-être des questions s'il fallait peut-être pas mieux rester dans ta cellule. Mais. Et là, il y a mon esprit qui me dit non, on est très bien ici, on n'arrête pas de se marrer, regarde, c'est trop génial. Et au moment où tu essayes d'ouvrir la porte, tu vois qu'elle est fermée à clé, clairement, hein, la porte en bas là. Mmh. Et t'as peut-être un petit coup de froid, Arbiter. Tu entends un rire résonner dans les. Oh mon dieu! C'est une arène, il faut vaincre les vagues d'ennemis avant que la porte ne s'ouvre! Pardon. Ok, donc la porte est verrouillée à clé. Bon, elle serait pas verrouillée à cheval. Donc. C'est assez. J'observe la serrure. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que c'est juste une serrure un peu lambda classique ou est-ce que c'est... Ça n'a pas l'air d'être une grosse serrure. Ça a l'air d'être un truc un peu classique. Et Vlop, tu ne regardes pas la serrure. Toi, tu ne regardes pas la porte pour l'examiner, pour voir comment elle est. Non, après m'avoir fait chuter comme une merde. Oui, voilà, moi justement, là, je laisse Arbiter faire son truc, mais moi, déjà, je vais te faire chuter, et après, je vais le tourner vers Célène pour lui dire un truc, tu vois, donc la porte attendra. Chaque chose en son temps. Bah oui, donc ouais, non, une clé, tu penses que c'est une clé tout à fait normale, basique, rien de particulier, quoi. Ben, je vais essayer de la forcer. Si la serrure a l'air lambda et normale, je vais voir si la forcer est une option. En essayant de préserver les magnifiques gravures de la porte. Donc, du coup, si tu essaies de forcer la porte, moi je vais juste faire... Ben, je vais juste donner un coup dans la serrure, tu vois, essayer de voir si je peux la briser. Oui. T'es pas occupé à ligoter et faire du BDSM avec... Je renonce à l'idée de briser la serrure. Si je te tends la clé, essaye ça pour commencer. Je vais essayer la clé, ok. Oui, tout simplement, apparemment ça fonctionne. Je fais un vieux thumbs up en mode... et j'ouvre la porte. Puis je me tourne vers Céleste, je fais... Voilà comment on agit avec intelligence et grâce. Et là, je me tourne du coup vers Klaus. N'est-ce pas, Klaus? Ah, merde, Pecno. Oui, bah, tu ferais bien d'en prendre de la graine, hein, parce que la subtilité, ça a pas l'air d'être. Et là, je me retourne vers Klaus. J'ai pas besoin de subtilité. Non, mais il comprend pas. C'est... J'ai pas besoin de subtilité, j'ai Brunhilde. Et en fait, au moment où tu ouvres la porte, en fait, vous avez un courant d'air qui se fait, et vous avez clairement les relents d'eau usée, de lieux un peu nauséabonds, voilà, qui vous remontent. Mais étant un explorateur de donjons émérite, je sais que les courants d'air, c'est bon signe. Ah, c'est ça ta fameuse sortie de roi de tous les machins de trous, machin entre mes doules, c'est les sécos. Non mais, je t'en prie, l'alternative elle est par là, et je pointe la direction de là où on est venu, avec tous les ennemis. Oh, c'est une bien belle parole, pour finir dans les sécos. Et puis tout le monde sait que ça commence toujours par les égouts. Mais évidemment, il n'y aurait pas eu d'égout, j'aurais été déçu. Eh bien, moi, je vais m'engager. Moi, j'aurais dit, t'aurais été dégoûté. Je vais simplement m'engager dans le couloir ou tunnel, passage, aidé de l'éclairage de ma torche. C'est un petit passage, un petit tunnel qui vous amène au fur et à mesure en fait sur des égouts quoi, tout simplement. Ok. Donc il y a rien de voilà, c'est un truc un peu classique. On va pas se chercher plus loin. Tu sens que ça pue. Que en plus plus vous avancez, plus il y a d'eau en fait. Vous entendez pas mal de bruit dans tous les sens. Vous savez pas trop à quoi c'est lié en fait. Si c'est des choses qui résonnent ou pas. Je crois qu'on arrive dans le domaine des bousiers. Non, par contre, moi j'ai une super astuce pour nous sortir de là sans aucun problème. Il suffit de suivre le sens d'écoulement de l'eau. Alors que tu dis ça, l'arbitre se retourne vers toi et tu sais, il fait le geste en mode après vous. Par là. Je fais. Bien sûr, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et je te tends la torche. Prends la torche et je regarde vers où l'eau elle s'écoule et voilà, on va par là. Dis-moi du coup, je reste derrière et je fais la gueule. L'eau s'écoule dans une direction, il y a aucun souci, tu arrives à suivre celle-ci. Quelques difficultés de passage Dès qu'il y a un obstacle, je fais bien sûr tout un théâtre pour aider Célène à passer les obstacles et tout, et puis les deux autres ils se démerdent, c'est des grands garçons. D'accord, moi dès qu'il y a un obstacle un peu plus difficile et qui te prend un peu plus de temps, je passe à côté en te bousculant. Non, et tu tombes, ça, et tu tombes forcément dans l'eau. Moi, en voyant ce tant d'efficacité, je me dis que ce serait peut-être bien que j'ouvre mon esprit et que j'interroge ceux du lieu. Pour voir si je peux pas avoir des informations utiles. Tu t'ouvres aux esprits. Ok. Donc en fait, peut-être que. Est-ce que ça te demande un peu de temps? Comment tu veux gérer un peu la chose? Est-ce que c'est voilà. Toi, tu leur demandes de s'arrêter un peu pour. Non, vu qu'on me tient très gentiment la main pour me guider et éviter tout obstacle, je peux me concentrer autant que je veux. Ok. Je suis quelqu'un de très attentionné, voyons. Mais tant que j'ai la réponse, moi ça me va. Tu vas me faire donc un discerner la réalité. Tu vas lancer le discerner la réalité. Dans ce qu'il est. Alors ça sera une action de base. Action de base. Et il est ici. Ah bah non. Et c'est un échec. C'est le seul esprit que tu crois, c'est un qui fait squeak squeak. Et comme tu parles pas le rat, voilà. Ben voilà. Donc ouais, tu gagnes un XP, ça c'est le truc à prendre en compte. Chaque échec est un XP de gagner dans Dungeon World. Mais pour prendre un peu le truc, c'est tu t'ouvres un peu aux esprits et t'essayes de voir un peu la chose, d'essayer de comprendre un peu le lieu où vous êtes et un peu comme ce que t'avais peut-être pu ressentir quand t'étais en prison, c'est que il n'y a pas d'esprit en fait. Il y a. Mm-hmm. C'est vide, c'est. C'en est même. C'est embêtant. C'est pas naturel. Mais c'est ça. Mais oui, c'est quelque chose qui te dérange en fait, qui te dérangeait déjà quand tu étais dans la prison, mais encore plus ici et maintenant. Cette anomalie, voilà. Même pas l'esprit d'un petit cafard. Il n'y a pas. Il n'y a pas de cafard dans ce monde. Bah pourquoi tu. Qu'est-ce que tu fais là? On a oublié de créer les cafards. Ouais. je veux pas dire. Moi, je vous rappelle que vous m'avez dit. C'est des titans qui sont fait une guerre nucléaire et que les seuls survivants c'est vous. C'est des cafards du coup. On le prend littéralement. C'est nous les cafards. Moi, hein. C'est comme donc ça que j'ai compris. Donc maintenant c'est canon. Les races de ce monde sont immunisées aux effets des nukes de titans. Bah, faut peut-être chercher pourquoi vous avez réussi. Après ça, on ne sait pas, on n'a jamais su. Vous ne l'avez jamais annoncé. Mais, voilà, tu n'as rien, donc tu n'arrives pas à discerner. Les esprits ne parlent pas, tu ne trouves pas d'esprit, et voilà. Et ça m'embête. C'est pas naturel, c'est pas bon. Moi, ça me va. Bon. Bah, moi je progresse en m'occupant des obstacles de la façon la plus simple que je trouve. Marcher dessus. Mais si c'est la façon la plus simple, oui. Sinon sinon je fais comme tout le monde. Marcher dessus. Bah tu avances sans aucun souci, hein. Voilà, vous avancez tout ça, mais voilà, vous descendez, enfin vous suivez en fait l'eau qui est en train de se déverser à un endroit jusqu'à en fait un déversoir, je sais pas trop comment dire plus quoi, qui retient un peu, qui retient l'eau de façon un peu plus un réservoir, merci. Je cherchais un mot. Donc un réservoir, voilà, qui contient à peu près tout l'eau, qui est assez grand et tout ça. Et vous remarquez qu'en fait, il y a des. C'est un endroit un peu cylindrique. Qu'il y a des sortes de marches qui permettent peut-être de remonter vers la surface à cet endroit-là. Est-ce qu'on voit au moins le plafond? Vous voyez que une partie du plafond est cassée. Vous voyez la nuit qui vous voyez là, l'extérieur. Vous voyez les étoiles en fait briller. Vous comprenez que vous remonterez sûrement dans la ville. D'accord. Eh ben go, ouais. Je passe devant. Je suis. Ok. Bah, c'est des marches taillées dans la pierre, enfin en pierre ou en bois Bah en fait il y a un peu de tout. Vous remarquez que à la base ça devait sûrement être des marches en pierre. Mais voilà, il y a ça a été détruit, rafistolé. C'est un peu bancal des fois. C'est pour savoir si l'autre armure vivante. Ouais, c'est. Ne me risque pas de faire de craquer une marche. Ce que j'allais dire, c'est que oui, ça peut jouer. En voyant ça, je vais laisser passer les autres devant et je vais passer en dernier. Quel homme. Enfin, je crois. Quel choix. Ok. Est-ce que tu tentes des choses un peu particulières Je vais essayer d'éviter de marcher sur les endroits qui ont l'air un peu plus douteux, si j'ai pu utiliser ce mot, et essayer de ne poser le pied que là où ça a l'air au moins d'être assez solide. Tu peux faire ça sur une bonne partie de... La chose, mais à mi-chemin, tu sais que y a un moment où c'est du bois. Vraiment, ouais. T'as une plateforme de bois et tu sais pas trop si. Tu doutes un peu peut-être de qu'elle soit capable de résister à ton poids. Je vais attendre que les autres passent complètement et je vais m'engager prudemment en longeant le mur, tu vois, parce que je me dis, s'il y a une plateforme en bois, ça se trouve, elle est retenue par le mur un peu. Essayer d'avancer prudemment. Et en me tenant sur le mur, je sais pas s'il y a des pierres qui ressortent un peu ou si c'est entièrement lisse, enfin bref, en essayant de minimiser un peu mon impact sur la plateforme et voir si ça peut passer comme ça. Ok, tu me feras un défi le danger en fait sur la dextérité. Et non, ça ce n'est pas le point. Mentalement la gueule. Oui, tu peux être ça ou tu peux aussi bouffer une âme. C'est normalement c'est avant que je fais le truc. Ah, faut bouffer l'âme avant. Ok, d'accord. Ouais, ça me donne juste un plus un en fait. C'est pas même si je le faisais. Ouais, je vais essayer de l'attraper. D'accord, avec okay. Mon fouet. Tu vois pour le retenir. Avant. Est-ce que tu décris-moi ce qui se passe, enfin vu sur cet échec, genre. Je vais demander déjà à faire le savoir le fouet si ça fonctionne ou pas en fait. Ok. Ça décrivera le. Ok. Tu veux que je fasse quoi pour le fouet du coup? Tu voulais faire, tu voulais essayer de le rattraper avec le fouet, c'est ça? Ouais. C'était. Tu me fais un coup de fouet, ce qui est plus classique. Enfin, tu veux que c'est. Le coup de fouet, c'est que pour les adversaires en fait l'action. Hein, quand tu regardes les trucs qu'il y a dedans. C'est un 2d6 plus dex. Donc, c'est juste. Défi de danger quoi en fait. Là. Oula. Nope. Ok. T'étais full plague du coup, c'est trop lourd quoi et j'arrive pas à choper une bonne prise avec le fouet. C'est ça. Je pense qu'en fait c'est la plateforme elle commence à s'effondrer et en voyant ça j'essaye de sauter pour essayer de me rattraper au rebord et à ce moment-là t'envoies le fouet mais c'est genre ça s'enroule autour du bras tu sais et comme c'est de la plate ça glisse et du coup ça accroche pas et Et les conséquences suivantes seront au choix du MJ. Moi, faut toujours qu'il illustre. Alors, dés de dégâts, chute 55 mètres, égal. Tu vas tomber, hein, de toute façon. Multiplie par l'âge du tombes. Tu tombes lourdement, en fait, sur les... comme je l'ai expliqué, c'est que, il y avait les escaliers qui tournaient autour de trucs. Tu tombes sous les escaliers en dessous, qui étaient en dessous, en pierre. Et pour le coup, clairement, tu... Tu as beau être matinal. T'es pas... C'est ça, tu as mal, y a pas de souci là-dessus, tu vas te prendre des dégâts. J'ai même envie, non, même pas envie en fait de te mettre des dégâts, je vais être plus méchant encore. Tu vas prendre. Un décès. Non, tu vas prendre un secoué. Tu as un moins un permanent là sur le. Sur la dex, ouais. Sur la dex, vraiment. Ok. Bon. Donc voilà, après, tu arrives à remonter à peu près jusqu'au lieu où t'es passé, mais bah ouais. Comment vous faites pour pouvoir essayer de te faire passer, quoi? Moi j'ai une idée. Pour voir si c'est faisable, je peux demander à mon compagnon esprit d'aller le chercher et de le transporter gentiment si elle a envie, jusqu'en haut. L'ascenseur express. C'est celui qui a peur de mon esprit, je trouve que c'est encore plus marrant. Est-ce que ton compagnon esprit Est-ce qu'il peut faire ça? C'est la question. Je suis en train de regarder, mais je crois qu'on n'a jamais défini ce qui est faisable ou pas par les esprits. Ouais. C'est pour ça que je propose. Enfin, moi je pourrais le voir et après, par définition, un esprit c'est. Il va se faire tenir, tu vois, se faire soulever par mon esprit, mais les deux autres, ils se seraient en mode waouh, il s'est volé. Ah, mais de toute façon, hein, il dit qu'on devrait lui balancer des rochers sur la gueule pour l'achever. C'est tout gluant. Ah bah oui, c'est tout gluant, mais bon. Déjà, y a quoi comme distance Ouais, c'est. Ouais, c'est genre. C'est comme tu dis, il y a une. Une passerelle. Qui est faite en fait bah parce que c'est pas faisable de faire ça en sautant en fait. Voilà quoi. Toi, il y a genre une petite passerelle. Est-ce que si on lui fait si on fait pendre le fouet là où il est tombé, est-ce que lui peut le choper pour qu'on puisse le remonter? Alors déjà, moi en voyant que le c'est trop loin pour sauter, je vais simplement prendre dans ma sacoche. Une corde que tout bon aventurier doit avoir sur lui. Et je vais faire un bon gros nœud à un bout et je vais le lancer vers de l'autre côté pour qu'il puisse le recevoir. En évitant de mettre le côté. le nœud dans la face de quelqu'un. Idéalement. Ok, je attrape la corde parce que je suis vif d'esprit. Depuis quand? Depuis tout de suite. Au moment où Selene comprend qu'il faut attraper, elle tend les mains, mais c'est déjà trop tard. Là, j'imagine, elle tend les mains. Oh, ah non, je pensais à l'esprit, c'est l'esprit qui tend les mains et la corde qui passe à travers. Non. Ah non, pas encore. Vous en faites pas, les gars, j'ai. Ah, oui. Ah ouais, bref. Donc voilà. J'attrape la corde et. J'utilise mon savoir-faire musculateur de... Hein? Je tire. Je que je suis bête. Voilà, et je vais... Tu veux pas l'attacher quelque chose, genre une rambarde, je sais pas? Non, je tire aussi fort que je suis bête, ça va le faire. Ok. Oui, bah du coup, je vais prendre la corde et je vais l'attacher quelque part. Je fais, hein, mais donne-moi non, ça. Non, j'ai la corde, tu fais pas chier, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Déjà, honorable MJ, est-ce qu'il y a une rambarde ou un truc qui puisse... vraisemblablement accueillir une corde attachée. Bah ils peuvent utiliser vous voyez qu'il y a des ça va le faire, je vous dis. Non mais vas-y des cerceaux, enfin voilà, je vais voilà, il y a des trucs où après, quand ils se casseront la gueule tous les deux. Pardon, je t'ai pas entendu. Il y a des quoi? Oui, parce que j'ai pas le temps de terminer en fait. Ouais, c'est pour ça. Pour le coup, il y a des anneaux en fait sur les murs en fait. Oui, que tu peux utiliser pour mettre vos. Bah, du coup, je vais. Il y a pas de souci. Vous en trouvez. Il y a ça. Il y a même aussi de ce qui devait être le nécessaire pour. Pour qu'il y ait une rambarde. Des rambardes, ou même. Il y a même des trucs qui vont être les torches. Enfin voilà, il y a ce qu'il faut au mur à certains endroits. Ouais. Voilà. Du coup, je vais quand même pointer vers ces trucs-là pour leur signaler d'attacher la corde. Mais tu vois bien que j'en ai strictement rien à foutre parce que j'ai déjà commencé à tirer. Bon. Non, dans tous les cas, c'est une action donc de l'arbiteur et mais pour le coup tu es aidé par par notre ami Klaus. Klaus, donc Klaus va faire un G pour aider. Le input en lien, c'est les liens que j'ai avec lui, c'est ça? Oui. Oui. Il est utile. Putain, jusque-là, j'ai raté tout BG, quoi. Non, mais pour le moment, j'ai... Oh, on a commencé, il y a quand même, sur 5G, il y a quand même 4 échecs. Hein. Je sors la partie. Non, c'est bon, hein, d'ici 3 séances, le mec, il va être niveau 10. Hein. Il aura rien fait, mais il sera niveau 10. Non, mais attends, le problème, c'est qu'il me reste encore 2... deux malus à prendre avant de commencer à perdre 2d6 de vie. Oui, non, mais je t'avais dit d'attacher la corde, mais t'as pas voulu m'écouter. Alors maintenant, t'assumes les conséquences et tu fais... Ah, lâche-moi, je réessaye. Ça va le faire. Mais bah, du coup, pour... non, c'est ce que du coup, pour, c'est moi pour qui le coup, l'action, non. Ouais. C'est ça. Ouais, pour c'est le coup, ça. L'action va être faite par par l'arbiteur, mais voilà, tu ne lui donnes pas de bonus. Je tiens la corde, quoi. Ouais. C'est ça. Tu tiens la corde. Du coup, je vais emmener une petite âme là, parce que je sens que ça va être nécessaire. Je peux pas m'empêcher de faire remarquer que Klaus, il a la même utilité qu'un poteau à ce stade. Et je vais essayer d'utiliser la corde et Klaus pour me remonter de l'autre côté. Klaus va t'aider, hein. C'est juste que son aide... Son aide est aussi utile que celle d'un poteau. Du coup, c'est... Je peux aussi demander à mon esprit d'aider Klaus à résister. Du coup, ça aurait en lui et ça donnerait sa force. Donnez-moi la force. Ouais. Bah, mais du pour, coup, pour le coup, que... déjà, on va déjà faire l'action. En fait, je voudrais bien savoir ce qu'il en est. Du coup, défi le danger toujours. C'est un défi le danger et c'est toujours de la Dex. Okay. Yes! Ouh! Ah bah quand même. Ouais, et c'est clairement pas grâce à Klaus, hein. C'est ça. Ok. C'est ça. Bah, pour le coup, si, enfin, ça fonctionne. Son aide, apparemment, a été précieuse parce qu'il a réussi à le remonter. Non, non, c'est pas ma version des choses, ça. Non. Non, mais on s'en fout de ta version. Et ah non, parce que c'est celle qui sera relayée au barde. Non, on s'en fout. Et donc, je ne suis pas là pour la para, moi, monsieur. Et ben, je vais me hisser sur les marches des pierres de l'autre côté. Je vais faire un et récupérer rapidement ma corde et la remettre dans ma sacoche avant de poursuivre. Et bah du coup, moi je dis, eh ben c'était bien plus difficile que ce que ça aurait dû être, hein, en regardant Klaus. D'un regard insistant. C'est sûr, quand on fait rien, ça a l'air toujours plus difficile. Mmh. Ouais. Bon, rends-toi utile et tais-toi. Pardon. En route. Ouais. Donc après ça, bah voilà, vous remontez, vous arrivez en haut et vous arrivez dans un lieu qui est sûrement sur les abords de la ville, à l'intérieur, mais vous ne savez pas où, parce que vous voyez les murailles en tout cas, les murailles de la ville. Vous êtes dans un lieu complètement dévasté, complètement laissé à l'abandon. Vous voyez peut-être qu'il y a un peu de temps en temps, peut-être un peu de mouvement par ici. Vous remarquez qu'il y a sûrement la vie un peu de temps en temps par là, mais actuellement c'est vide. Et la nuit, vous êtes en pleine nuit. Ouais, je laisse l'archéologue trouver le chemin. Bah, a priori, il doit savoir faire, vu que c'est son métier. Ah bah oui, non, mais clairement, moi je sais pas où c'est par là. Je pars de l'autre côté. Je le laisse faire, qu'il se démerde. On va jamais aller loin. Non, parce que moi en fait, comme je suis archéologue justement, moi je peux interpréter les signes de civilisation et tout, et savoir quelles sont des ruines qui sont où il y a de l'activité, lesquelles sont des ruines où il n'y a pas d'activité, etc. Et du coup, il suffit juste de suivre les ruines où il y a de l'activité, et tu vas finir par arriver là où il y a des gens, parce que cette activité, elle vient forcément de quelque part. Je m'en fous. Et je décide de... lui, il va tout droit. Non, j'ai pas dit que j'allais tout droit, j'ai dit que j'allais de l'autre côté. Oui, bah, du coup, tout droit de l'autre côté. Ouais. De la... Par rapport à la tangente, c'est à peu près ça, ouais. Voilà. Ok. Déjà, la vraie question, c'est... On va où? De là où il y a des gens. Bah déjà moi j'essaie de voir comment je me démerde avec le fait que vous partez pas au même endroit quoi. C'est pas grave, Klaus il est con, il va nous retrouver parce qu'il aura juste fait un gros rond. Ce qui arrivera s'il fait des échecs à ses jets d'orientation. Par contre s'il réussit. Un échec à son jet d'orientation. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va arriver s'il réussit. La même chose. Alors, pour le coup, voilà, tu peux facilement donner voilà, une direction où tu penses qu'il y a de la vie, hein, Heinrich. De toute façon, il y a un truc très simple, vous le savez un peu tous, hein, c'est que, techniquement, si vous essayez d'aller vers le centre de la ville, vous pouvez que tomber sur le chien des enfers qui tousse. C'est ça, sur le lieu, la taverne des chiens des enfers qui tousse, le fameux lieu de lobbying, ce fameux terrain neutre. Voilà. Donc maintenant, c'est que prendre de cette direction en fait est un peu, c'est un peu galère parce que comme je dis, la ville est en ruine. Il y a des endroits où c'est complètement dévasté, d'autres où il y a des trous, des cratères qui ont été formés, d'autres voilà, d'autres il y aura d'autres choses qui peuvent vous bloquer. Donc c'est de savoir comment voilà comment vous faites, comment vous allez gérer ça. Je pense déjà il faudrait monter un camp. D'accord, mais où? Pourquoi monter un camp? On est en ville. Alors qu'on peut aller à l'auberge. Alors, la ville n'est pas censée être immense. Si. Mais on est en ville, on t'a un camp. Enfin, c'est... Pour être précis, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'on peut atteindre l'auberge vite, entre guillemets? Genre, est-ce que ça va nous prendre plusieurs jours, ou est-ce que ça va nous prendre... C'est au coin de la rue, quoi. Vous savez pas à quel endroit, en fait, vous êtes sorti, ouais. En fait, déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Ça peut prendre du temps. Après, oui, ça te prendra pas, une journée, quoi. On est d'accord. C'est la ville est grande, mais tu mets pas une journée entre la muraille et le centre de la ville. D'accord, ok. Mais tu sais que t'en as pour quelques heures, quoi. C'est sûr. Ouais. Surtout que la problématique, c'est pas tellement. C'est pas tellement en fait d'y aller, c'est que il y a beaucoup de détours des fois peut-être à devoir faire, quoi. Oui, c'est ça. Mais ça c'est pas grave, je connais le coin. L'auberge est par là. Vu qu'il a l'air si sûr de lui, moi je le suis. Je m'en fous, je vais pas. Ah parfait, c'est bon. Moi j'ai tout ce qu'il me faut. Les deux autres ils peuvent se démerder, hein. Ils viennent pas, voilà. C'est pas l'auberge que je cherche. Alors moi je vais aller pour l'auberge. Et bah vous allez me faire un 3 prendre un voyage périlleux. Ok. Spécial normalement. C'est ça. Donc bah vous m'expliquez, vous êtes plusieurs, qui fait quoi? Ouais, ça va être le Serfil pour moi. Oui, bah moi, j'ai clairement l'éclaireur, vu que moi j'ai décrété que voilà, je savais où j'étais et que je savais par où on allait. Bah moi je suis, et je profite de l'air libre. Non mais je suis pas perdu, hein. Moi, de toute façon, étant donné que j'ai pas pris la même direction. Oui, non, mais je vais devoir me débrouiller de toi. je fais ce qui est le plus logique pour le moment. Parce que tu n'as pas expliqué aux autres, de toute façon, ce que tu voulais faire. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Hein. Tu t'es barré de l'autre côté sans donner d'infos. Hein. Oui. Ok. Je sais aussi très bien où je vais, mais je veux pas l'auberge. Non, j'ai bien compris, je sais où tu veux aller, hein, donc t'inquiète pas, je fais comme je peux le truc là. Ok, vous. Vous allez réussir à aller jusqu'à l'auberge. Le problème, c'est que Heinrich va vous faire des tours, des détours et des retours. Oui, j'ai une excellente explication pour ces détours. C'est la route scénique. Voilà. Non, mais là, c'est ça, il va te faire. Alors là, nous avons le fameux lieu. Ah oui, non mais clairement, oui, du coup, à chaque fois, quand on vient devant une ruine un petit peu particulière, je vais expliquer l'histoire de la ruine et tout, et voilà, bien sûr. Et moi, je vais écouter bien sagement, en mode, waouh, c'est trop bien. L'arbitre semble indifférent. Ben, ça tombe bien, c'est pas à toi que je parlais, en fait. Ok, donc ouais, vous allez arriver jusqu'à des petites, enfin voilà, des murailles en bois, enfin voilà, plus c'est même pas, ouais si des murailles, mais fait un peu, bah vous demandez comment elles arrivent à tenir debout, mais du coup c'est la question que je vais poser à Heinrich. Comment est-ce que ça tient debout? Eh bien, ça tient debout grâce à un effet de pression qui vient de plusieurs directions différentes, qui rend immobile un petit peu le même principe que, par exemple, une arche en pierre. On fait en sorte que la pression des différentes pièces immobilise le tout. Ah, d'accord. Moi, je dis que c'est parce que Ping, il est pas là et du coup, ça n'a pas eu le temps d'update. Moi, j'ai toujours cru que c'était les esprits des titans qui faisaient ça. Les quoi des quoi? Hein? Oh, vous les connaissez quoi, des quoi? C'est pas grave. Oui, bon, bah bref, chacun son truc. Hein. Ok, ouais. Donc voilà, je termine juste un peu l'explication. Vous voyez qu'il y a des, voilà, il y a plusieurs portes où vous pouvez passer, mais chaque porte en fait est clairement gardée par des soldats voilà des, qui ont l'air un peu patibulaire très un peu habillé mais ça fait très très j'ai envie de dire très mongol en fait dans leur façon d'être guerrier mongol voilà de Genghis Khan et tout ça quoi. Ouais, je vois. Tu considères ça comme un endroit civilisé, mon cher MJ? Ah bah à mon avis, c'est l'endroit le plus civilisé que tu trouveras dans la ville. Bah du coup, ouais, bah écoute, du coup, comme je suis probablement déjà passé dans les parages à un moment ou un autre durant ma carrière, je ferai bien ça, du coup. Ah, si, c'est un échec. tu disais Non, il voulait lancer son avis de recherche, mais c'est lamentablement foiré. Ok, tu t'es foiré sur avis de recherche. Alors, avis de recherche, c'était quoi déjà? C'est spécial. Oui, mais je. Ouais. Ça fait quoi? Tout en bas. Lorsque vous revenez dans un endroit civilisé où vous avez causé des ennuis auparavant, tirez les dés plus charisme. Sur 10+, le récit de vos exploits s'est répandu et tout le monde vous reconnaît. Et sur 7-9, le récit de vos exploits s'est répandu et tout le monde vous reconnaît. Et le MJ choisit une complication. Et il n'y a rien de marqué pour les actions sur un échec. Parce que personne ne se souvient de toi. Non mais voilà, mais c'était pour savoir un peu ce que ouais, ce que faisait oui, le truc. Mais du coup, comme je suis un archéologue humain, quand vous réalisez l'action avis de recherche, vous pouvez choisir d'appliquer le résultat de l'action à un autre joueur. Du coup, c'est arbitraire que personne reconnaît, ok? Merde alors. Bah oui, je suis jamais passé par là. Oui, voilà, donc tout est parfaitement normal, il s'est rien passé, voilà. Tout va bien. Voilà. Bon, comme je dis, les gardes vont peut-être te reconnaître vite fait, quoi. Mais voilà, bon, rien. Ça leur. Toi, ils se disent, bon, moi, c'est un gars qu'on a déjà vu peut-être boire un verre dans le coin, et puis c'est tout, quoi. Ça ira pas plus loin. Sauf que voilà, avant de rentrer, tu as les gardes qui vous stoppent et bah, vous toisent tous de haut en bas. Déjà, toi, encore plus toi, arbitre. et vous sort. Oui, bon, vous connaissez les règles de la maison. Bien sûr, bien sûr. Pas de combat. Non. C'est un lieu neutre. C'est pas le genre de la maison. Les seuls. S'il y a des. S'il doit y avoir des problèmes, vous réglez ça dans l'arène. Puis la seule monnaie qu'on veut ici, c'est de l'or trébuchante, c'est tout, quoi. On fait pas de troc particulier. D'accord. Le bon coin, c'est pas ici. Ou alors, c'est pas le bon coin pour ça. C'est pas le bon coin. Et donc, toi, il vous regarde et tout ça. Et puis, le dernier truc, il vous fait. De toute façon, si vous connaissez ceci, vous aurez affaire à Ping. Et la porte s'ouvre. Allez, allons boire. Une victoire, ça se fête. Ah oui. Bah pendant que vous allez boire, je vais donc m'occuper de Monsieur Klaus. Ya. Ok, bon, toi, je pense que tu vas vouloir essayer de retourner vers la brigade Cyrville. Mais tout à fait. Mais je me doutais. Je me doutais bien. Bah, pour le coup, c'est que tu sais pas trop où tu te trouves. Donc, tu auras un peu de mal à savoir plus vers dans quelle direction aller. Parce que le centre, c'est assez facile à trouver. Sur le principe, je vois le ciel, mais voilà, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose comme ça. Alors, attends, deux secondes. Je suis quand même pas non plus un exécuteur débutant, hein, donc je sais me repérer dans la nature, sauf que là, mais c'est la ville. Oui, voilà. Non mais le gars qui veut pas être chiant. Non mais oui, on est en ville. Oui, il est en ville, quand tu lèves la tête, tu vois pas le ciel. Voilà. Mais si, là il voit quand même. J'ai précisé que vous la voyez tout à l'heure. Donc oui, tu pourrais faire ça comme ça. Il y a pas de souci. Donc tu vas un peu voilà prendre un peu la direction, mais ben c'est pareil que les autres, hein, ça va être entreprendre un voyage périlleux. La problématique c'est que faut que tu me choisisses un rôle que tu vas choisir. Alors attends. En sachant que les autres rôles, ben tu vas les c'est des échecs. Oui, des échecs potentiels bien sûr. Voilà. Bah éclaireur. Se faire le dé. Suspense insoutenable. Ouais, le suspense, oui. J'attends le jet de dé, mais je j'ai déjà fait mon jet de dé. J'ai fait 10. Ah ouais, c'est le premier à avoir fait le jet de dé, Xobi, hein. Ouais. Ah mais je l'ai pas vu en fait, d'accord, ok, oui non mais vu que je demandais aux autres, c'est pour ça que je m'attendais pas que soit déjà fait. Et bah, désolé hein. Non mais... Oui bah tu l'as fait, bon bah oui alors, c'est vrai que bah... Alors ok. Donc quoi ouais, tu vas réussir à te déplacer sans trop de soucis. Et je vais même te dire qu'en tant qu'exécuteur humain, quand j'arrive pour la première fois dans un lieu civilisé, quelqu'un se retourne vers moi et me propose de chasser un monstre. En fait, tu vas arriver, mais pas alors. Tu vas pas arriver tout de suite dans ce qu'on va appeler le QG hein, de la brigade civile. Oui, bah, j'imagine que je me fais interpeller un poil avant, quoi. Bah, en fait, tu vas tomber en fait plus sur une des fameuses un peu des checkpoints comme on expliquait, qui sont un peu partout en fait, qui est détenu par. Oui, bah, qui délimitent leur territoire. Quoi. Voilà et. Et pour le coup, voilà, ça reste un checkpoint assez, voilà, où il y a une, voilà, il y a un petit de la vie en fait largement. C'est parce que là, il y a de quoi, il y a un marché, il y a des, voilà, c'est un petit lieu. Toi, c'est une petite ville, on va dire, dans la ville en fait. Oui. C'est un peu ça, quoi. Donc, oui, un petit quartier de vie, voilà. Quoi. C'est ça. Un petit écart. C'est ça. Et qui sert de voilà de checkpoint avant d'aller d'avancer dans les autres lieux. Donc voilà, quand tu arrives, bah, pareil, hein, c'est pas, tu vois que c'est plutôt bien gardé. Au contraire, les gars ont l'air un peu teigneux. Tu vois que c'est qu'ils sont un peu bah, ils ont tous des vêtements un peu dans tous les sens. Je veux dire, voilà, c'est chacun. T'as certains qui ont des parties d'armure, mais complètement hétérogènes. Il y en a qui ont, voilà, je veux dire, une armure en cuir, mais avec des brassards qui sont faits en comment fer, d'autres, enfin voilà, c'est tout un. Oui, oui, les mecs ils sont équipés comme ils peuvent, quoi. Oui, mais plutôt bien équipés, comme ils peuvent, mais plutôt bien équipés quand même, quoi. C'est juste complètement dépareillé. La seule chose en fait qui est exactement en fait que tous ont. C'est un petit couvre-chef en fait, ouais. avec une plume, et qui est toujours une plume d'une couleur de couleur, quoi. D'accord. Tu vois que certains ont des plumes de couleur rouge, la plupart, et quelques-uns doivent avoir des couleurs un peu différentes que t'as déjà vues. Et le plume, c'est par rapport au grade, j'imagine. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que je suis fort. Bah, tu bosses pour eux, peut-être. Peut-être pour ça. Mais oui, disons que c'est. Bah voilà, un initié sait de quoi il parle, quoi. Et donc, bah, je me dirige vers le mec, c'est quoi, il y en avait qu'un seul à la plume rouge, tu disais, c'est ça, hein. Voilà, il y a deux gardes avec des plumes rouges, et tu as un gars avec une plume qui doit être bleue, ce qui semble être bleu. Enfin voilà, il fait nuit, donc tu penses que c'est ça. Les chats sont gris. C'est ça. Les gris, c'est les chats sont gris. Ok, bah, je me dirige vers les gardes. Et en leur disant, bah, voilà, en pressentant, bah, bonjour, je m'appelle je suis claustrophobe des teutons flanqueurs, et j'aurais besoin de rencontrer votre chef au QG. J'ai été missionné pour accomplir certaines tâches. Ça, t'as les gars qui se regardent un moment et fait. Ouais, tu. C'est quoi ton nom, t'as dit? J'ai dit que je m'appelais claustrophobe. T'as le gars un peu avec la plume un peu là de couleurs différentes qui sait. Ouais, je crois que j'ai entendu ton nom là. Tu serais pas un de cette saloperie de bouffeur de monstres là. Pardon, je vous demande pardon. Tu sais là, t'es pas le gars qui surine les monstres. Oui, mais je ne les bouffe pas, monsieur, très cher. Je suis comme fou, je suis humain. Je mange de la nourriture saine. Non, mais je te. Chaque fruit et légumes par jour. Non, mais tu m'as bien compris, quoi. Tu les bouffes, tu les. Voilà, quoi. Tu les clames, quoi. Tu les. On s'en fout, quoi. Bon. Non, mais ouais, j'ai cru entendre parler de toi. Lors d'une des réunions là, enfin ouais. Ma réputation me précède peut-être. Ah c'est ouais, enfin ouais. Bon. Instant gênant. Tu vois qu'il réfléchit un peu, toi, il fait. Pour le coup, qu'est-ce qui me dit que c'est bien toi? C'est-à-dire, comment je suis moi, vous êtes fou. Quel est le souci? Je ne comprends pas. Bah, moi, en ce moment, là, on avait bien des problèmes. Et toi, si je te laisse rentrer quelqu'un qui fait pas partie de la maison. Je ne fais pas partie de la maison, évidemment. Je suis partie de Théoto ou Flanker. Ouais, mais oui, bah. Toi, on peut tous me la faire, ça, hein, je. Non, mais j'ai une petite idée, tu vois, qui regarde un des gars, il fait t'avais pas Jacqueline là qui a dit qu'il y avait des petits problèmes non loin là. Enfin, le gars il regarde, t'es un peu interloqué en mode mais de quoi il me parle, et toi un petit moment, tu sais, quelques secondes après, toi, le regard qui comprend enfin. Il fait « Ah bah si, il y a Jacqueline qui a dit qu'il y avait des soucis avec des trucs là, des paris de monstres et tout ça dans le secteur, mais je sais pas, elle est pas très explicite sur le truc, mais Bah si, si, oui, bah je peux vous donner des infos, patron, hein, y a pas. Donc t'as l'autre qui revient, il fait ouais, bah si t'es bien ce que tu prétends être, tu me ramènes la tête de ce truc là. Et en quoi ça va prouver que je suis ce que je suis? Je ne comprends pas, n'importe quel aventurier peut très bien se chercher de cette mission. c'est stupide votre façon de régler les papiers. Si vous voulez, si j'ai les papiers officiels du contrat qui a été passé, de la demande d'assistance de la Pricarde. Bah, tu vois que... T'as le patron qui... Enfin, le chef qui s'approche de toi et il fait... Ouais, bon... Enfin... Ouais, je sais pas lire, moi, en fait, donc... Bah, je lui montre juste le papier en disant « Vous reconnaissez le dessin ?» En montrant le sigle du CTF. Alors, me demande pas à quoi ça ressemble, j'en ai aucune idée. Alors, c'est quoi le CTF? Je me souviens plus. Le CTF, c'est la confrérie des Tonton Flingueur. C'est ça, ok. Hop. Okay. C'est un drapeau. Bon, en gros. Oui, en gros, je veux dire. Non, mais je veux dire, pour le coup, tu chopes pas la mission en fait qui t'est donnée, quoi. Le silence, allô, qui va être bien. Allô, oui, je sais pas, il... Non. Ah. Ah, je pense qu'il a planté, ouais. Mr. Close. Il est tout capote. Ah, je crois qu'il est tout capote, Mr. Close. Allô, Klaus. Ouais, c'est pas Discord, c'est mon casque qui m'a lâché dans les pattes. Il n'y avait plus de batterie. Ah. C'est pratique. Mais je prenais pas l'eau en pleine phrase, il dit plus rien. C'est-à-dire. Ouais, donc je sais pas ce que t'as dit, enfin ce que t'as entendu. Donc en gros, je te refais le truc. Le gars, en fait, bon, bah, s'approche, il dit, te dit que bah, il sait pas lire tout ça. Toi, ouais. Qui te le dis en un peu en mode doucement pour pas que les autres l'entendent. Oui, bien sûr. Voilà. Et voilà, il va regarder le message. Moi, tout ce que je voulais savoir, en fait, c'est que, en gros, tu ne chopes pas la mission qui t'est donnée automatiquement de chasser des monstres, quoi. Non, c'est le risque à chaque fois recéder, à prendre des dégâts pour rien. Non, j'ai pas que ça à foutre non plus, quoi. Puis je suis pas un chasseur de monstres, je suis un exécuteur, bordel. Bah c'est non, mais je veux dire, ton truc c'est bien chasseur de monstres, le truc là qui te donne. Ah non, parce que il y avait la classe chasseur de monstres. C'est pour ça que non c'est... mais non mais le truc qui te permet de quand vous... Non, en fait, c'est par rapport à mon peuple, par rapport à la classe, c'est quand vous arrivez pour la première fois dans un lieu civilisé, quelqu'un se retourne vers vous. Attends, quelqu'un se tourne toujours vers vous pour vous proposer une mission de chasse aux monstres. C'était juste, ouais. Enfin, je pense que c'est juste une blague, en fait, le truc. Mais si tu veux, si t'avais prévu quelque chose pour la chasse de monstres. Non, bah non, c'est pas. Je veux dire, c'est. Ok, non, mais après, c'est toi. Voilà, c'est juste. Bah, ce truc-là existe. C'est juste, bah, tu le chopes pas, quoi. C'est juste, oui, bah, non, bah, oui, si tu veux. Si tu veux, ouais. Non, je le chope pas. Je viens déjà de sortir de prison, j'ai mal à la jambe. Non, mais voilà, mais c'est juste que. J'étais en train de me dire que tu me dis que t'es pas chasseur de monstres, mais le truc, tu disais bien que si tu fais chasser des monstres. Oui, il y a toujours quelqu'un qui se propose une mission pour chasser des monstres. Ok, d'accord. Je ne prends pas la quête annexe. Je suis en train de me dire que je suis passé à côté sur le truc. Quoi. Je ne prends pas la quête annexe. Je refuse la quête du tableau. Pour le coup, c'est juste ça. Je comprenais pas sur le principe. Oui, non. Puis c'est plus simple pour eux. On va pas s'emmerder à faire des quêtes annexes alors que je suis tout seul. C'est plus simple pour toi aussi. Déjà que je t'emmerde bien en étant parti de mon côté. Ok. Bah, tu vois que le gars, toi, va regarder le truc et regarde les voit les autres que voit les autres qui le regardent, tu sais, avec le papier. Toi, tu vois qu'il va choper le papier dans tes mains et genre le, tu sais, le mettre un peu plus haut, c'est genre pour faire pour la lumière. C'est ça, la lumière. Il regarde toi un peu dans tous les sens en mode. Je vois bien que c'est un vrai. C'est marqué là, ouais, que OK, d'accord, tu ouais, vous pouvez rentrer, ouais, il y a pas de souci. Je suis fou, remercie. OK. Je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes. Voilà, on va faire une petite petite pause de 5 minutes, le temps voilà de chacun un peu d'aller chercher à boire ou de ce genre de choses, enfin voilà, se désaltérer ou d'aller au WPC. Et on reprend dans 5 minutes. OK.